Radiomatique. lancer sur la pièce Random composée par le projet C-Tech que s'ouvrait la transmission 431 d'Audiomatique. C-Tech est un projet qui met à contribution Jean-Luc Demeyer, un des membres fondateurs de la formation Front 242, et Mark Hill de la formation Cubanate. La pièce que nous avons écoutée est tirée de l'album de C-Tech intitulé Darker, paru en 1997. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste canadien Glenn Love d'assurer la continuité à Audiomatique. Audiomatique. C'était le projet français Hugo Kant, mené par Quentin Leroux, de qui on entendait la pièce Dark Night Dreams de son mini-album Searching London, lancé en 2011. Précédemment à Hugo Kant, il s'agissait de l'artiste française Charlotte Gainsbourg, bien sûr, la fille de feu Serge Gainsbourg et Jane Birkin. De Charlotte Gainsbourg, nous entendions sa chanson All the Rain, qui est extraite de son quatrième album Stage Whisper, sorti en 2011. Stage Whisper est un album double qui comprend un premier disque avec 8 nouvelles chansons, dont 4 sont composées par Beck, incluant All the Rain, et un deuxième disque regroupant des pièces enregistrées en concert. Et pour débuter, nous avions droit à l'artiste canadien Glenn Love, qui a lancé un nouveau mini-album le 2 janvier 2023, intitulé The Uncollected Dead, et duquel nous avons fait jouer la pièce Collected. Et Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique de Synesthesia. Thank you. Thank you. Audiomatique, nous avons terminé cette séquence sur la pièce de Controlled Fusion, un projet mené par Dennis Osterman de la formation In Strict Confidence. Du dernier album de ce projet paru en 2000 et intitulé Patient Zero, nous avons écouté la pièce instrumentale Galaxy Constellation. Et avant Controlled Fusion, on écoutait Synesthesia, un projet à teneur plus ambiant mené par Bill Lieb et Rhys Fulber, connus pour être les cerveaux créatifs derrière le groupe Frontline Assembly. Donc, de leur projet Synesthesia, c'était la pièce Intelligence Dream tirée du troisième et dernier album Ephemeral, paru en 1997. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le défunt groupe américain Asobi Seksu. We'll be right back. dancing. I keep falling down. Nous avions droit à Audiomatic au projet québécois Cruise Orchestre mené par Hubert Camiran. De son album Tome 2 paru en 2013, nous écoutions la pièce Piano Panier. Nous vous invitons à visiter son profil sur Bandcamp pour en savoir davantage au hubertcamiran.bandcamp.com. Précédemment, à Cruise Orchestre, nous avons entendu le duo suédois Fatal Casualties et la chanson I Keep Falling, à laquelle participe le chanteur Stephen Malander, qui est un des membres fondateurs de la formation Cabaret Voltaire. Cette chanson se retrouvera sur le prochain album de Fatal Casualties qui est à paraître sous peu. Et pour amorcer ce bloc musical, c'était le défunt groupe américain Asobi Seksu qui a existé de 2001 à 2013. De son quatrième et dernier album Fluorescence, sorti en 2011, nous vous avons offert la chanson Leave the Drummer Out There. La transmission 4-3-1 se conclura sur la musique de la chanteuse et clarinettiste américaine Angel Elmore, qui compose sous le pseudonyme d'Angel Bad Dawid. De son album The Oracle, nous écouterons la pièce What Shall I Tell My Children Who Are Black. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici pour terminer Angel Bad Dawid et sa pièce What I Shall Tell My Children Who Are Black. C'était Audiomatique avec les sonoristes. What do I tell my children who are black?